Là, l'affaire, c'est que ça va créer la chicanerie entre les Israélites, comme ça a tout le temps fait aussi. Il y en a qui sont pas d'accord. Parce que là, ils instrumentalisent la religion, mais c'est pas ça qui est écrit dans la Torah, là. Ils sont pas supposés retourner là. Ils sont encore supposés être punis puis être en exil. Leur Mashiach, il est pas encore là. Qu'est-ce qu'ils font, là? Ça fait depuis 1948 qu'ils sont revenus, puis ils refondent un État, puis... Tout allait pas si pire dans ce coin-là avant. Mais là, c'est sûr que, bon, ben. Tu sais, je veux dire, puis de voir aussi, bon, c'est. Il y a une gang qui sont partis en Europe pendant leur exil. Ils sont devenus des prêteurs, sont devenus des banquiers, sont devenus très puissants. Puis là, sont revenus. Dans le fond, mais ils sont pas revenus physiquement, eux autres. Mais sont revenus pareil, parce que dans le fond, c'est leur idée d'aller à l'État, d'en faire un État, d'en faire une nation. Tandis qu'Israël, c'est pas une nation, là. Ça peut pas en être une. Il y a une différence entre Israël puis les nations. C'est pas une nation, Israël. Israël, c'est Israël. Les nations, c'est des nations. Mais Israël, par définition, c'est pas une nation. Bien, c'est quoi alors? C'est Israël. Ben là. Parce que le fond de l'âme des Israélites, c'est une théocratie. C'est un royaume. Mais là, il n'y a pas de temple, il n'y a pas. Fait que dans le fond, c'est une colonie, Israël. C'est une colonie. Ça peut pas être vraiment une nation. Pas encore. Je veux dire, peut-être qu'un jour, ça va redevenir Israël. Mais là, à ce moment-là, ça va être. Parce qu'il va y avoir un temple, puis il va y avoir un roi, puis bon. Puis il va y avoir. Les conseils des grands prêtres, puis toutes ces affaires-là, puis là, t'as les chaque membre des 12 tribus qui ont tous leur rôle. Mais on n'en est pas là, là. Parce que c'est écrit dans leur propre texte religieux qu'Israël, c'est pas une nation. C'est toujours, soit il est question d'Israël, soit il est question des nations. Mais Israël, techniquement, c'est pas une nation. Le terme nation, il est quasiment inventé pour différencier Israël du reste du monde. Donc, ça marche pas. Ils instrumentalisent le religieux. Mais c'est pas. Ça va complètement contre leur propre religion, dans le fond. Je veux dire. Puis c'est même pas une religion au sens où on l'entend habituellement, là. Israël, c'est vraiment une théo. C'est supposé être une théocratie, mais c'est pas ça, là. C'est rendu un membre des Nations Unies, c'est rendu. Dans le fond, c'est de la grosse mafia sale de politique internationale, c'est tout. Avec des commanditaires. C'est comme du clientélisme à large échelle. Mais si on regarde Israël juste de la façon qu'ils traitent leur propre population, je veux dire, ça a été un laboratoire dans les 3 dernières années qu'on a eu. Puis, ça marche pas, là, je veux dire. Même, ils ont arrêté, je pense, après le troisième traitement, parce que ça paraissait trop, là, ça commençait à être grave. Mais ils traitent leur population comme de la merde. Après, ils accusent, ah, eux autres, ils servent leur population comme bouclier humain. Eux-mêmes, ils vont s'arranger pour qu'il y ait des attaques contre leur propre population, s'en servir comme justificatif. C'est encore pire. En plus, tu peux pas accuser du monde, dire, ils servent la population comme bouclier humain. Mais oui, mais comment tu veux qu'ils fassent autrement?